Dossier 1, livre page 15. Pour aller à l'école. Pour aller à l'école, Amitel, tu as besoin de quoi? Oui, de quoi? J'ai besoin d'une gomme pour effacer. J'ai besoin d'un cahier pour écrire. J'ai besoin d'un livre pour lire. J'ai besoin d'un crayon pour écrire. J'ai besoin d'une règle pour mesurer.